Le péril de la fortune, légende alsacienne. Un soir, notre Seigneur Jésus-Christ, voyageant en Alsace, se trouva surpris par la nuit à l'entrée d'un village. Il chercha d'ici, de là, une maison où il pourrait demander un refuge, mais déjà toutes les portes étaient fermées, tous les feux éteints, tous les habitants endormis. Seulement à l'extrémité d'une ruelle obscure résonnait le bruit du fléau avec lequel on battait le blé, et là brillait une petite lumière. Notre Seigneur se dirige de ce côté, arrive près d'une grange, frappe à la porte. Un paysan vient lui ouvrir. « Voulez-vous bien, lui dit le bon Jésus, m'accorder un gîte pour cette nuit ? Vous n'aurez point à vous en repentir. » Puis il ajoute, « Tout le monde ici est déjà couché. Pourquoi donc travaillez-vous si tard ?»« Hélas !» répond le paysan. « J'ai appris hier soir que j'allais être poursuivi par un impitoyable créancier si je ne lui payais pas demain ce que je lui dois. Et mes fils et moi, nous nous sommes mis à battre le peu de blé que j'ai récolté pour le vendre au marché et acquitter ma dette. Après cela, il ne nous restera plus rien, et je ne sais comment nous vivrons l'hiver, mais à la garde de Dieu. » En prononçant ces paroles, le paysan essuyait la sueur de son front et passait la main sur ses yeux pleins de larmes. Le Seigneur eut pitié de lui et lui dit, « Ne vous découragez pas, brave homme, en vous demandant l'hospitalité, je vous ai annoncé que vous ne vous en repentiriez pas de me l'avoir accordé. Je vais vous le prouver. » Il saisit la lampe suspendue à une des poutres de la grange et l'approcha d'une gerbe. « Que faites-vous ? » s'écrièrent avec effroi les travailleurs. « Vous allez tout brûler !» Mais au même instant, de la paille qu'il tremblait de voir s'enflammer, de chaque épi descendit une pluie de grains prodigieuse. Les paysans, à la vue de ce miracle, tombèrent à genoux, émerveillés. « Parce que tu as été charitable, dit Jésus-Christ aux paysans, parce que tu as reçu dans ta pauvreté l'étranger qui venait à toi comme un pauvre mendiant, tu seras récompensé. C'est le Seigneur qui est entré dans ta grange, c'est le Seigneur qui t'enrichit. » À ces mots, il disparut, et la pluie de grains ne cessa de tomber toute la nuit dans la grange et dans la cour, et le lendemain, elle formait un monceau de blé aussi haut que l'église. Le paysan paya ses dettes, acheta des terres et bâtit une belle maison. Il était riche et il devint orgueilleux, méchant, dur envers le pauvre monde. Lui et ses fils prirent des habitudes de luxe, se livrèrent à toutes sortes d'excès et de mauvaises habitudes, si bien qu'ils finirent par se ruiner. Et comme ils avaient été si mauvais dans leur prospérité, ils ne trouvèrent aucune considération et aucun appui dans leur détresse. Un soir, le vieux paysan, ayant bu outre mesure, entra dans sa grange, et se rappelant le miracle qu'il avait enrichi, s'imagina qu'il pourrait le reproduire. Il prit sa lampe, l'approcha d'une gerbe, mit le feu à cette gerbe, et sa maison et tout ce qui lui restait fut incendié, et il mourut dans la misère.